J'pourrais absolument tout faire. À chaque instant, de jour, de nuit, dehors, dedans, si j'le voulais. J'pourrais pro, je suis qu'on blase et l'envoyer à ma place. J'peux la remplir de vodka juste avant de boire la tasse. J'peux appeler Valentino pour tuner ma carapace. J'peux continuer à sourire, faire semblant que c'est le paradise. J'pourrais reprendre les études et rendre vraiment fier. Trouver un autre truc à faire que d'ajouter des grands-mères au mic. Tous ces platines pour décorer les murs de l'enfer. Ça y est, j'ai tout vu ici, j'pourrais tailler le pas. J'pourrais manquer d'un calibre et braquer un rôti. J'irais que c'était pour sauver le monde et j'ferais des gauchis. J'pourrais claquer deux chemins et demi dans un ensemble Gucci. J'pourrais tout abandonner si tu me laisses avec tout le shit. J'pourrais j'aime à ce fort qu'on est frères. J'pourrais t'aider. J'ai ça, je gore sous mes serres. J'pourrais te baiser. Je sors dehors sous effet. J'ai v'là le mort sous mes ailes. J'pourrais trouver une fille bien et la mettre au centre de ma vie. Sur défoncer dans mes bras, elle m'expliquera le sens de la vida. Qu'est-ce qu'ils ont fait tes amis? Regarde bien, c'est moi ta vraie famille. Avant le divorce, on pourra s'ignorer vu la taille de la villa. J'pourrais rouler un humain et l'allumer à l'aide d'un jean. J'pourrais me rapta avec le slant et autour d'un jean. J'pourrais devenir le plus gros vendeur de toute la scène au Sani. J'pourrais parler aux inconnus comme avant, me faire des amis. J'pourrais tout faire à tout instant, je préfère fumer. J'pourrais les pardonner si seulement j'étais pas rancunier. Le peur à ça sert à quoi, à part à se faire sucer. Même quand j'ai plus de libido, je peux encore assumer. J'pourrais pro, je suis qu'on blase et l'envoyer à ma place. J'peux la remplir de vodka juste avant de boire la tasse. J'peux appeler Valentino pour tuner ma carapace. J'peux continuer à sourire, faire semblant que c'est le paradise. J'pourrais reprendre les études et rendre vraiment fier. Trouver un autre truc à faire que d'insulter les grands-mères au mic. Tous ces platines pour décorer les murs de l'enfer. Ça y est, j'ai tout vu ici, j'pourrais tailler le pas. J'pourrais manquer d'un calibre et braquer un rôti. J'irais que c'était pour sauver le monde et j'ferais des gauchis. J'pourrais claquer deux chemins et demi dans un ensemble Gucci. J'pourrais tout abandonner si tu me laisses avec tout le shit. J'pourrais de la ce fort pour les frères. J'ai ça, je gore sous mes serres. Je sors dehors sous effet. J'ai v'là le mort sous mes airs. Je serai un millionnaire. Qu'est-ce que tu racontes la moula? La moula c'est que dalle tant que tu sauves pas ton entourage. Pour ça il te faut du courage, sauter les barrages, briser les rouages. Hey, fais ce qu'il est plus dans les parages et garde ta mort à l'ennemi en face, lui n'est pas sage. Tu n'es qu'un chiffre de passage, manipulé depuis le bas âge. J'pourrais tout faire mais j'ai tellement la flemme, je vais rouler un terre et puis bouffer un coin, faire le tour de la terre avant d'être grabataire. J'me fais mal au long père que s'il y a char à terre. J'pourrais faire semblant que c'est facile, mais je sors dehors, je rentre à l'asile.